C'était hier la réunion générale de la Traversée internationale du lac Saint-Jean et on va parler avec le directeur général Jérémy Bonneau sur plus de 77 000 $ à la traversée. Salut Jérémy. Bonjour, bonjour. 77 000 $, c'est très très bon considérant que c'était très difficile comme organisation l'année passée. Là. C'était pas facile d'organiser ça. Là. Non, effectivement, c'est vrai, c'était pas facile. Nous sommes bien contents d'avoir pu réaliser un événement en temps de pandémie malgré toutes les restrictions que nous avions. Puis écoutez, au niveau financier, c'est directement lié par nos généreux commanditaires, partenaires qui sont là depuis de longues dates, puis aux généreux programmes gouvernementaux aussi, hein. Bon, écoute, la traversée ne fait pas exception de d'autres entreprises ou événements à travers le Québec, le Canada. Je veux dire, on a bénéficié autant des programmes fédéraux que des programmes provinciaux. Donc, c'est ce qui explique un peu là, les bons résultats que nous avons annoncés hier. Y était-tu plus généreux parce que c'était en COVID l'année passée? Des programmes? Ben, en fait, ça fait deux ans. Hein. On se souvient que ces programmes-là ont commencé dès le début du COVID en 2020. Il y a des programmes, bon, ils se sont poursuivis en 2021 parce que bon, on connaît un peu là, l'histoire des deux dernières années. Puis encore même à ce jour, nous profitons encore là, de quelques programmes là, qui est en lien direct avec la COVID. OK. Donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Donc, à partir de cette année, j'imagine qu'on prépare une édition normale, c'est ça? Bien, on l'espère. Ouais. On l'espère. Si on savait parler là, il y a à peu près 2-3 mois, peut-être j'aurais pas eu le même discours. Mais bon, écoute, on voit bien là, que ça se déconfine un peu partout dans le monde, puis et au Québec aussi. Peut-être sur le retard un peu des autres, là, mais bon, ouais. on y arrive. Puis je pense que la prochaine saison estivale s'annonce très prometteuse, autant pour la traversée que les autres événements. Puis oui, on espère bien que ça continue ainsi pour un retour à la normale. Dis-moi, du côté, vous avez un nouveau conseil d'administration également qui a été formé hier. Exactement. Deux membres qui nous ont quittés, deux nouveaux membres qui arrivent. Somme toute, là, nous sommes très contents parce que, bon, Stéphane Taillon, pour ne pas les nommer, et Valérie Gagnon, qui se sont ajoutés au conseil d'administration. Bon, Stéphane, lui, pour sa part, est déjà dans l'organisation. Valérie revient. Donc, je pense qu'on va avoir une belle continuité là, pour la suite des choses. OK. Ben Jérémy, on va se parler tout au long de la saison. Donc, bravo et bonne chance pour la suite des choses. Merci. Bye. Le directeur général de la Traversée internationale du Lac Saint-Jean, Jérémy.